chemin. Chers frères et sœurs, dans la vie, pour paraître honnête, vraiment, il faut d'abord l'être. Bah, quel est là? Bah, Zoua. Bah, où est là? Bah, Zanga. Bah, Soukan Angela. À bon entendeur, salut. Toutes catégories confondues.